va parler de hockey mineur. C'est la première chronique de hockey mineur, comme on le fait tous les jeudis avec Hugo Malta. Salut Hugo! Salut! Hugo, on ne s'est pas parlé depuis les 5 minutes de Chicoutimi, le match du 26 août. Est-ce qu'on peut dire que c'est beaucoup d'argent, finalement? Que on n'a pas. Oui. Ben, nos états financiers par rapport à cette partie-là sont pas encore finis parce qu'on n'a pas tout reçu là, les factures encore des différents là, intervenants. Là. Mais ce midi, là, je parlais justement avec Serge Proulx des Saguenayens qui là me disait, ben, regarde Hugo, on va t'envoyer la facture la semaine prochaine, des frais fixes plus l'autobus. Fait qu'il y a encore des frais qui vont être payés par rapport à ça. Fait que de là à dire que là, présentement, je suis capable de dire exactement combien ça coûte, non. Mais ça devrait, là, au cours des prochaines semaines, là, les dernières factures devraient entrer, puis là, bon, on devrait être capable là, de dire là, avec justesse là, combien ça va avoir rapporté cette expérience-là. Donc 6 000 $, c'est pas exagéré, c'est très conservateur, d'accord? Ben, je dis pas que c'est conservateur, là, mais ça va tourner autour de ça. Là. Je veux dire, c'est pas. Je pense que c'est plutôt réaliste là. Fait que on espère ça à plus ou moins quelques centaines de dollars. Donc si c'est 5 500, 5 600, on va être bien content, mais je pense que ça va tourner là, effectivement autour de 6 000 $. OK Hugo, comment ça s'enligne là à Kémina cette année, Robert Val? Ça s'enligne bien. On est en train là de finaliser nos différentes équipes présentement. On n'a pas d'équipe nécessairement toute de fait et de complétée, mais les dernières coupures dans les différents camps, là, simple lettre là, versus là, puis le B, sont en train de se faire. Donc, d'ici là, à dimanche, probablement là, que toutes nos équipes vont être... Point définitif, puis on va être capable là, de commencer la saison. Quoique la saison commence là, autour du 15 octobre, mais okay. On devrait là, être correct là, à partir de la semaine prochaine, à partir d'en fin de semaine là, pour finaliser toutes ces équipes-là. Là. Mais ça va bien. Ça va très bien pour l'instant. Ça fait que je pense pas qu'il y ait de problématiques. Puis ouais, est-ce qu'on pense ou on anticipe des petits problèmes, on est allé chercher là, des gens pour nous aider à évaluer correctement. Fait que comme ça, on va éviter le plus possible là, le mécontentement, même si on peut pas l'éviter à 100%. Ça fait que on devrait là, faire un bon début de saison. OK. Si on y allait maintenant avec les coachs, as-tu eu beaucoup de misère à trouver des entraîneurs? C'est sûr que c'est pas... pas facile on se cachera hein? pas que c'est pas nécessaire. C'est pas toujours, c'est pas facile. Je peux pas dire que c'est... que c'est le dossier le plus facile, mais jusqu'à date, là, si je prends par exemple mon Pee-wee A, mon Pee-wee B, j'ai mes entraîneurs. Si je prends mon Midget A, mon Midget B, j'ai mes entraîneurs. Le Bantama, ben lui, nous, on est en évaluation, donc là, on va entendre que voir aussi avec Hockey Lac-Saint-Jean comment ça va se finir cette histoire-là, parce que c'est une cohorte plus difficile à évaluer, puis il y a plusieurs bons jeunes, donc on a demandé là, la présence d'un évaluateur d'Hockey Sanex-Saint-Jean pour pouvoir là, être sûr que ce soit les bons jeunes qui soient dans les équipes respectives. Ça fait que avec là, Gino Gagnon d'Hockey Sanex-Saint-Jean qui est là, on devrait être capable cette semaine d'avoir le A. Fait que par conséquent, après ça, on va être capable de dire, ben garde l'entraîneur du B ou cibler des gens par rapport à ça. On est en train de faire la même affaire là avec la Thomas Robert Val. On est en train de former cette équipe-là. Ça fait qu'un coup que l'équipe va être formée, bien, il y a des gens qui se sont montrés intéressants. Ils restent là intéressés. Ils restent juste à s'assurer que de savoir dans quelle boîte là, les jeunes jouent. Puis après ça, bien, on va. Ça fait que ça devrait être quand même pas si mal, malgré le fait que c'est toujours les mêmes quand même. Puis la relève, il n'y en a pas. On se cachera pas qu'on n'a pas beaucoup de relève. Mais garde, on fait avec. On fait que ce qu'on a, puis on fait que les bénévoles qu'on a, puis on est chanceux dans la plupart des bénévoles qui redonnent le nom, mais ça a été des bons bénévoles au hockey mineur à Robertval. Ça fait qu'on est toujours content des réavoirs d'année en année. Hey, parle-moi de. J'ai eu une entrevue avec Mathieu Darche cette semaine et j'en ai parlé pas mal. J'ai eu une entrevue avec le directeur général des Cossons des Chutes de Mississinie. Toi, tu t'offres dans le milieu scolaire, donc tu étais très bien placé. Là, j'en ai parlé avec, avec Danny Dufault. C'est-tu faisable, c'est-tu faisable de rentrer le hockey mineur au niveau scolaire dans nos écoles? Je sais que Danny Dufault me dit, c'est facile à dire pour ceux-là qui sont à l'extérieur, pas facile à faire pour ceux-là qui sont à l'intérieur. Toi, là, comment tu vois ça? Ben moi, c'est sûr que je vais dire, moi je suis de l'intérieur, je suis un peu comme Danny Dufault. C'est facile à dire, là. Ça c'est clair. Puis nous autres, il faut pas oublier que tu peux pas faire du hockey scolaire par municipalité, hein. Parce que ton hockey scolaire, de toute manière, il va mourir, là. Je veux dire, Dolbeau, tu sais, tu m'en as parlé. Même que tu me diras, ah mais Dolbeau, les castors sont morts dans le midget 2B. Prends le scolaire, tu n'auras pas plus de joueurs que ça quand même. Tu n'auras pas 80 joueurs, tu vas en avoir encore 30 quand même. Puis est-ce que les 30 voudront au final payer? Parce que c'est faut pas se compter de peur pareil, là. Ça va coûter 5 000 piastres pareil aux parents. Il faut même que tu me diras qu'il y a 4, 5, 6 showcases, sinon. Mais si tu vas à toutes les fins de semaine, puis les parents ils vont à toutes les fins de semaine, puis les chambres d'hôtel, et ci et ça va te coûter un 4, 5 000 piastres pareil. T'as-tu 17 jeunes par municipalité? Que ce soit Roberval tout seul, Saint-Félicien tout seul, Dolbeau tout seul, qui sont capables de dire, bon, on va mettre 5 000 puis on va jouer là-dedans. Peut-être que tu en as 17, mais les 17, si c'est juste Roberval ensemble puis qui mangent des volées toute l'année, ben, à un moment donné, les parents, ils vont trouver ça moins drôle pour le 5 000. Fait que c'est-tu de fusionner les secteurs, dire Roberval, Saint-Félicien, Dolbeau, on fusionne ça puis on crée une équipe, que ce soit cadet ou juvénile. Ça, c'est possible, mais c'est vraiment là l'ouverture de la commission scolaire parce qu'il y a des frais, il y a des frais de transport, puis je veux dire, il y a des frais d'autobus par rapport à ça, de voyager les jeunes, peu importe, que ce soit aux extrémités du lac ou en plein milieu à Saint-Félicien, ben il faut que les commissions scolaires embarquent, puis le transport scolaire, puis c'est ça, c'est. On n'est pas présentement dans une mode où ce que nécessairement les commissions scolaires disent, ben on fait de l'argent à profusion. Fait qu'ils vont, c'est sûr qu'ils vont compter, puis ça va rester toujours la même nerf de la guerre. C'est, y a-tu de l'argent pour ça? Si la commission scolaire dit oui, ou s'il y a quelqu'un de privé qui dit, ben moi, le transport scolaire, je le défraie, toutes les commissions scolaires vont être d'accord pour ça, il n'y a aucun problème. Mais si c'est à la remorque des commissions scolaires, puis les gens, ben, ils vont dire, on coupe d'un service, puis on coupe dans ci, ben, je suis pas certain que la commission scolaire va dire, ben nous, on va mettre 10 000 piastres d'autobus pour que les jeunes de Roberval puis de Saint-Dolbeau aillent jouer à Saint-Félicien. Ben go. Mais sais-tu, oui, c'est la solution. Go, on arrête, OK? Parce... Et il y a tout le processus de coupure également là, qu'il faut pas oublier. Comme Danny Dufour disait, on est dans une baisse démographique, baisse également. Donc, ça aussi, ça joue là, beaucoup pour là-dessus. Ben c'est clair que avant d'investir. Là, il y a des gens qui vont dire, ben, c'est investi dans le sport, c'est bon pour les jeunes, puis oui, c'est bon pour les jeunes, mais il y a des coûts, qui sont combinés à ça. Puis présentement, ben, quand tu as toutes les structures comme à Alma, puis à Chicoutimi, c'est facile de faire, de décoller. Ils ont tous les sports études, ils ont déjà les transports, ils ont déjà, ça va bien, mais d'innover, puis de dire, ben, regardez, là, on va faire l'équipe, admettons que ça, peu importe, à Saint-Félicien, mais c'est beau. Mais si t'as 10 jeunes de Roberval puis Dolbeau, ben ils se voyagent comment ces 10 jeunes-là? C'est facile de dire, ben on va prendre, ils n'ont rien qu'à prendre l'autobus, mais ils n'ont rien qu'à prendre l'autobus. S'il n'y a pas de place présentement dans les autobus ou les parents payent les autobus, ben t'as-tu les moyens de créer encore un autre transport puis que c'est les parents au bout de la ligne, c'est sûrement pas la commission scolaire qui va payer. Fait que c'est des choses comme ça qui, oui, c'est réalisable, oui, c'est un très beau projet. Maintenant, les gens qui disent tout que ça va se faire en claquant les doigts sont pas nécessairement au courant des réalités scolaires, puis des réalités des commissions scolaires présentement, puis des coupures, puis fait que c'est pas évident au niveau de ce point de vue-là. Donc, comment ça pourrait se régler, puis comment ça pourrait se faire, ben là, ça reste à réfléchir, à déterminer, puis ça prend une ouverture. Est-ce que les commissions scolaires sont ouvertes également à ça? Est-ce qu'ils veulent ça dans leurs écoles? Ça, c'est un autre débat aussi. Il y a peut-être des écoles qui vont dire, les commissions scolaires, ben nous autres, regarde, ça nous intéresse pas, puis on n'est pas là pour faire du hockey non plus. Fait que c'est tout ça qui fait que le questionnement est là. Mais oui, c'est moi, je pense qu'en tant que simple parent ou en tant que simple amateur de hockey, je pense que c'est une bonne avenue, ça, c'est clair. OK. Ben, écoute,